Ok, au max prod, Rifa, DLK, pour efficacité, SENS, ok, 1. Rien à foutre que tu sois sans ou galbé comme un Mikado. Pour moi peu importe mon rap ne te fera pas mille cadeaux. Depuis tout ce temps je me suis pas mis le mic à dos. Dis-toi que dès l'adolescence j'avais des rimes dans le sac à dos. Wesh la famille ça dit quoi, je refais la déco. Je n'ai pas mis longtemps pour voir qu'il y a rien, je suis à décosser. C'est DLK lourd comme un album d'ATK. Moi quand j'arrive on bouge la tête gros. Demande à tes gars pilons au bec. On reconnaît pas un homme au bec. Moi j'ai 21 ans mais de côté pas un copec. Mais putain où je vais, je suis un peu perdu comme son pic. Une chose est sûre, à flot bien épineux, normal que ça pique. MC, je suis comparable à un M16. Ouais MC, t'es nul, tu sors toujours les mêmes 16. Et même si, des fois je vais mal, je reste vrai. Moi j'ai fait mes preuves ici sur le béton, j'ai œuvré. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça vient de la rue. RIFA, DLK, hommage aux disparus. V'là un rap carré, c'est lourd quand on apparaît. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on voit sur nous, vous pouvez parler. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça vient de la rue. RIFA, DLK, hommage aux disparus. V'là un rap carré, c'est lourd quand on apparaît. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vaut sur nous, vous pouvez parler. On m'a dit profite-en, tôt ou tard la mort t'aura. J'ai choisi de baiser le rap mais je crois pas qu'il avortera. À l'heure où les MC s'enfilent tous à la file indienne, moi je crache du lourd, relève le défi si tu me files un thème. Rifa tu connais, c'est de la bonne rime à chaque phase prononcée. La vie je l'ai trop fumée, alors aujourd'hui mes deux poumons c'est. On rappe à ceux qui gardent du sucre et ceux qui se cassent le dos tout court. Malgré la corde au cou j'avance, avec mes potes autour on faire la différence. Entre pigeons et vautours, j'attends que les portes s'ouvrent et qu'on me dise Rifa c'est ton tour. Mais en attendant je suis dans la street, la ganache triste. Après un joint je suis sur ma galaxie. Si écrire c'est un art, je peux même le faire me noter au poignet. A travers ces quelques phases, ressens ce que j'ai en moi. Tu veux rentrer dans mon cœur, c'est mort, même accompagné. Arrête de m'appeler frère si on se connaît depuis même pas un mois. Qu'on dise quoi qu'on fasse, ça vient de la rue. RIFA, DLK, hommage aux disparus. V'là un rap carré, c'est lourd quand on apparaît. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on voit sur nous, vous pouvez parler. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça vient de la rue. RIFA, DLK, hommage aux disparus. V'là un rap carré, c'est lourd quand on apparaît. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on voit sur nous, vous pouvez parler. Ouais, appelle-nous l'infanterie à chaque son, ça retentit, ça claque pas de plaisanterie, tu bac vu que c'est authentique. Si le rap est un circuit, l'aiguille est dans le rouge, y'a les types en roue, on va bugger la en route, frère. Enfant des halls, ça vient d'en bas, je peux pas tomber de haut. Comment ne pas penser à ceux qui passent l'hiver dehors? MC au lyrics d'or, brillant sont mes idéaux. Je suis pas comme ces mythos, t'inquiète, j'assure le show. Abrix, tu sens la pluie, si ça pue la flicaille et la merde. Les petits tailles des lamelles et les anciens se ravitaillent aux mineurs, c'est le monde à l'envers. Et leur tourne autant que les stars en ville, et quand ça part en vrille, estime-toi. Chance si tu repars en vie. Belle de son pour les bras, en l'air on veut voir tous les bras. Beaucoup sont tombés bas, mais moi je suis à la vie des couplets de barge. 8-900, là où ça vend, ça vole. Demande à DLK, y'a trop de problèmes, même les savants ça vole. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça vient de la rue. RIFA, DLK, hommage aux disparus. V'là un rap carré, c'est lourd quand on apparaît. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vaut sur nous, vous pouvez parler. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça vient de la rue. RIFA, DLK, hommage aux disparus. V'là un rap carré, c'est lourd quand on apparaît. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vaut sur nous, vous pouvez parler. Aïe, RIFA frère, Super Sans, t'arrêtes pas là, DLK.